بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن اليوم سنرى موضوعا مهما aujourd'hui nous voyons un sujet important qui en réalité est la continuité de ce que nous avons vu hier. فسنرى حديثا أخرجه البخاري في كتابه الصحيح. Nous allons voir un hadith qui a été recensé donc par l'imam al-Bukhari dans son livre الصحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Et donc, selon Abbas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux bienfaits qui sont délaissés et qui sont négligés par beaucoup de personnes. La santé et le temps libre. La santé et le temps libre. أولاً ليعلم أن الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في كتاب الرقاق وقيل الرقائق. Premièrement, il faut savoir que l'imam al-Bukhari a cité ce hadith dans le chapitre lié à الرقائق, c'est-à-dire ce qui adoucit le cœur. ذكر العلماء أن هذه الأحاديث سميت بذلك للرقة والرقة في القلوب أي الرحمة وضد الغلظ. Et donc, les savants ils disent que ce chapitre qu'il a été appelé comme cela, parce que les hadiths, les paroles, les récits prophétiques qui sont cités dans ce chapitre, amènent à la douceur du cœur, c'est-à-dire la miséricorde est le contraire de la dureté. Ce qui est contraire à la dureté. وأول باب في هذا الكتاب هو باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. Et le premier sous-chapitre qui a été cité, c'est le sous-chapitre lié à ce qui a été rapporté, qui va donc lié à l'adoucissement des cœurs, et qu'il n'y a pas d'autre vie que celle de l'au-delà. Il n'y a pas d'autre vie que celle de l'au-delà. Et donc, je vous ai dit, on est dans la continuité de ce qu'on a vu hier. Ra'ayna bil ams anna at-tijara al-murbiha hiya allati tata'allaqu bil akhirah. On a vu hier que le commerce fructueux, en réalité, c'est celui qui est lié à l'au-delà. Et aujourd'hui, donc, ce hadith qu'on étudie, il est dans ce sous-chapitre, lié au fait que la réelle vie, la vie réelle, c'est celle de l'au-delà. ذكرت العلماء أن الإمام البخاري أن الإمام البخاري ذكر هذه الترجمة ليبين لنا أن هؤلاء الذين فرطوا في هاتين النعمتين إنما فرطوا فيهما لإيثارهم الحياة الدنيا عن الآخرة. Et donc les savants ils nous disent que l'imam al-Bukhari il a cité ce hadith et en mettant ce titre juste avant de citer le hadith pour nous montrer que les gens qui ont été négligents concernant ces deux bienfaits, la santé et le temps, en réalité, ils ont été négligents quant à ces deux bienfaits à cause du fait qu'ils ont favorisé la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. C'est ce qui a fait qu'ils ont négligé ces deux bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordés. فَمَذَا يُرِيدُهُ النَّاسِ. Et donc, qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que les gens veulent? لو تأملنا وتدبرنا في كثير من الناس ممن Yantasibu ila l'islam wa min ghayrihim. Si nous méditons sur la situation de beaucoup de personnes, les personnes qui s'affilient à l'islam et d'autres. Wa tanaqashna ma'ahum fi masa'il at-ta'at wal ma'asi. Lorsqu'on débat avec eux concernant l'obéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala, les péchés, souvent on a le terme de al-hurriya qui vient. On a le terme de la liberté. On aime être libre. On n'aime pas avoir donc les mains enchaînées. À tel point que même les frères, parfois, lorsqu'un frère va se marier, ils vont dire khalas. Khalas, maintenant il a les mains enchaînées. Il ne peut pas sortir de chez lui quand il veut, etc. Et les sœurs aussi, même parfois, vont rigoler comme cela. Parce que les gens, ils aiment la liberté. Mais ils n'ont pas compris qu'est-ce que la liberté. Est-ce que la liberté, hal al-hurriya, an taf'al ma tasha mutlaqan. Est-ce que la liberté, c'est que tu fasses ce que tu veux totalement? Est-ce que c'est ça la liberté? Bayyana lana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma hiya al-hurriya al-haqiqiyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré qu'est-ce que la réelle liberté. Et ça dans sa parole, lorsqu'il dit « Kullu nasi yardou ». Tout le monde, yardou, c'est-à-dire le fait de partir le matin. Tout le monde part le matin. Musulmans, non-musulmans, soumis, non-soumis, tous partent le matin. Fabaïou nefsa. Chacun va transacter concernant sa propre personne. Chacun va transacter concernant sa propre personne. Vous vous rappelez hier, takallamna an at-tijara, on a parlé du commerce. Le commerce avec Allah tabaraka wa ta'ala. Hal anta fi hadhihi at-tijara takumu bil asbab allati ta'tika bil arbah al-kathira aw al-aks. Est-ce que dans ce commerce que tu fais avec celui qui t'a créé, est-ce que tu fais les causes qui vont entraîner pour toi beaucoup de bénéfices ou le contraire? Et donc chacun part le matin et tous vont transacter concernant leur propre personne. Famu'tiquha wa mubiquha. Et ensuite, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit famu'tiquha, c'est-à-dire certains vont libérer leur propre personne. Ils vont se libérer bi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala, par l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme libérer concernant ce qui est lié à l'obéissance à Allah. Pourquoi قالت العلماء لأن الحرية الحقيقية في طاعة الله. Parce les savants disent parce que la liberté, la réelle liberté est dans l'obéissance à Allah. Taïb et les autres, mubiquha, ils jettent leur propre personne dans la perdition. فإنهم في سجن. Car en réalité, ils sont enfermés. Habasathum anfusuhum washayatin. Ils sont enfermés, ce sont donc leurs, ils vont suivre leurs propres âmes ainsi que le diable. Tu es enfermé par le diable et tu ne le sais pas. Et tu prétends la liberté, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Tu ne fais que suivre le diable. Et donc, il est important de comprendre qu'est-ce que la réelle liberté? La liberté réelle est dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Fani'maten. Et donc deux bienfaits. Deux bienfaits. Dhakar al-ulama khilafan waridan fi ayu ni'ma a'zam أو أفضل أو ما هي أول النعم على الإنسان. Les savants, ils ont cité une divergence. Quel est le meilleur des bienfaits? Ou quel est le premier, le plus valorisé? Hal huwa as-siha ou al-iman? Est-ce que c'est la santé? Ou alors est-ce que c'est la foi? À tel point que parfois, lorsque tu parles avec des personnes, كيف الحال بخير الحمد لله بخير oui ça va bien mashallah, parfois ils te disent tant qu'il y a la siha alhamdulillah tout va bien, tant qu'il y a la santé tout va bien. Ils disent parfois, on entend souvent aham shay as-siha, la meilleure des choses c'est la santé. Wa hadha khata, et ceci est une erreur. لأن هذه الصحة إن لم تقترن بالإيمان فلا فائدة منها. Car cette santé, si elle n'est pas liée à la foi, alors il n'y a pas de profit en celle-ci. Cette santé, si elle n'est pas liée à la foi, il n'y a pas de profit en celle-ci. فكم من من الناس ممن من الله تبارك وتعالى عليهم بالصحة Nar. Combien sont nombreux parmi les gens, ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé la santé, et ils font partie des gens du feu car ils n'ont pas remercié Allah tabaraka wa ta'ala concernant ce bienfait. Et donc deux bienfaits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite ici dans ce hadith, deux bienfaits qui sont négligés par beaucoup de personnes. El Rabn. Il a utilisé le terme marbounun fihima, el rabn. Dans la langue arabe, ce terme aussi peut être utilisé fit tijara, dans le commerce. On va beaucoup aborder le commerce. Hein. Entre hier, aujourd'hui, certains vont me dire Abdelkarim, il nous prépare quelque chose là, il va ouvrir un truc. Non, non, c'est le sujet, les frères, c'est le sujet. Et donc, el rabn, lorsqu'une personne va vendre quelque chose, à un prix qui est en dessous de sa valeur. Largement en dessous de sa valeur. Il n'a pas donné à ce produit sa valeur. On va dire Rabenahu. Rabenahu, et donc il n'a pas donné à ce produit sa valeur. Et donc, de cette même façon, ces gens vont faire avec ces deux ni'mas, ces deux bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne vont pas leur donner leur valeur. Comment cela? Comment cela? لأنهم لم يقوموا بحق الله تبارك وتعالى في هاتين النعمتين. Car ils n'ont pas accompli les droits d'Allah تبارك وتعالى concernant ces deux bienfaits. الله تبارك وتعالى أنعم عليك بالنعم الكثيرة يجب عليك الشكر. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a accordé beaucoup de bienfaits. Il t'est obligatoire et impératif de le remercier. Wa min anwa'i shukri al aw min anwa'i shukri sarfu hadhihi an-ni'ma fi ta'atillah. Parmi les types de remerciements, il y a le fait d'utiliser ce bienfait dans l'obéissance à Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a accordé la vue. Tu vas aller regarder des choses interdites sur ton téléphone. Allah ta'ala, il t'a accordé la vue, yahi. S'il veut, il la récupère à n'importe quel instant. Tu vas utiliser ce bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala pour aller regarder des choses interdites sur ton téléphone. Il t'a donné ta langue. Tu vas dire Alhamdulillah, Shukrulillah, et ensuite tu vas utiliser ce bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala pour critiquer les serviteurs d'Allah, pour les dénigrer, leur faire injustice, les insulter et autres. Ce n'est pas comme cela que tu remercies. Le remerciement concernant le bienfait d'Allah, le bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé, le remerciement se fait premièrement dans le fait d'utiliser ce bienfait dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu vas reconnaître le fait que Allah, c'est lui qui t'a accordé ce bienfait. Et tu vas l'utiliser dans son obéissance. Fassihatu. Kam minan nas rafilun an hadhihi an-ni'ma. Et donc, la santé. Combien de personnes néglige ce bienfait. Li jahlihim aw litajahulihim bi anna siha ya'qubuha ad-da'f wal-marad. Les gens négligent ce bienfait, la santé. Pourquoi? Parce qu'ils oublient. Ou parce qu'ils font comme s'ils ont oublié le fait que la santé est suivie par la faiblesse et la maladie. La santé, elle ne va pas perdurer. Ne pense pas que tu vas rester dans cette santé comme cela, à la force. Tu viens à la mosquée, tu montes des escaliers, aucune difficulté. Tu peux venir, tu te dis, bon, il y a une demi-heure de marche, deux heures de marche, mashallah, je vais à la mosquée en marchant, yallah, j'y vais. Ne pense pas que cette santé sera là tout le temps. Il est impératif que ça diminue. Impératif. C'est soit elle diminue d'un coup et tu meurs, soit c'est petit à petit. Et donc, profite de cette santé que tu as, de ce bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé pour augmenter tes actes d'adoration. Combien de personnes pouvaient jeûner chaque semaine, les lundis, les jeudis? Ils ne l'ont pas fait jusqu'à ce qu'ils tombent malades. Ils pensaient que les maladies, c'est quelque chose qui touche les personnes âgées. À partir du moment que ta barbe devient blanche, là, tu te dis, Inch'Allah, il y a des maladies qui vont arriver. Non, non. Non, non, particulièrement à notre époque, les frères. Particulièrement à notre époque. Aujourd'hui, on voit des personnes de 15 ans touchées par des maladies qu'en général, qui ne touchaient que les personnes âgées. Ne pense pas, tu n'as signé aucun engagement envers Allah Azza wa Jal. Profite de cette santé que tu as. Profite. Combien de personnes avaient la capacité de se lever pendant la nuit? On fait l'effort, on se réveille pendant la nuit. Je suis jeune, je suis fort, je peux le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne se lève pas pendant la nuit pour prier? Et c'est là qu'on arrive au deuxième bienfait. Wa min huna nasilu ila an-ni'ma thaniya. Le temps. Yahya, parmi les paroles que j'entends le plus souvent depuis que je suis revenu en France, Wallah Abdelkarim, na'am, nahnu nuridu an natlub al-ilm. Par Allah Abdelkarim, on veut apprendre la science. Nuridu an nahfaz al-mutun, on veut mémoriser les mutun. Apprendre la langue arabe, avancer dans le Coran, on veut. Mais le temps, j'arrive pas, il y a beaucoup de choses à faire. J'arrive pas. Donc je vais diminuer, Inch'Allah, vu que... Taïb. Mais est-ce qu'on regarde concrètement le premier problème? Le premier problème, tu dors combien de temps par jour? Et fais le calcul. Tu comptes 10 plus 10 plus 10 plus 10 dans la semaine, hein? Ça te fait 70 heures dans la semaine. Compte à la fin du mois, ça te fait combien? Et compte à la fin de l'année, ça t'a fait combien? Combien d'heures qui sont parties comme ça? Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, parmi les conseils, les recommandations qu'il donnait à ses étudiants, arrêtez de manger fi al-mata'im al-mutakhassisa fil akl as-sari'. Arrêtez de manger dans la restauration rapide. Il dit, il n'y a rien de plus mauvais pour vous affaiblir et vous faire dormir. Combien, allez hop, on va, on passe, on mange, etc. Et après, combien d'heures on va dormir? Combien d'heures on va dormir? Ensuite, on dit, Abdelkarim, j'ai pas trouvé le temps pour apprendre mon vocabulaire. Abdelkarim, j'ai pas trouvé le temps pour apprendre les versets. Abdelkarim, j'ai pas trouvé le temps pour ci. J'ai pas trouvé le temps pour ça. Mais on dort combien de temps? Combien de temps tu dors par jour? Allah tabaraka wa ta'ala, j'en parlais il y a quelques temps avec des frères. Allah azza wa jal, qui a donc incité son messager à prier la nuit. Pourquoi? Inna nashi'at al-layl hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Certes, la lecture de la nuit est meilleure pour Elwat. Ce qui est voulu par cela, c'est le lien qu'il va y avoir entre ta réflexion, ce que tu récites, ce que tu entends, ce que tu lis. Le lien qu'il va y avoir entre tout ça pour que tu sois concentré, le meilleur moment, c'est la nuit. Pendant que les gens dorment, lève-toi la nuit pour prier. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Certes, ton Seigneur, il sait que tu te lèves pour l'adoration. Un peu moins min adna min thuluthay al-layl, un peu moins des deux tiers de la nuit. Un peu moins des deux tiers de la nuit. Wa nisfahu, ou la moitié, ça dépend. Et son tiers. Et donc là, ce qui est voulu par le « et », c'est où son tiers. Où les croyants qui se levaient pour prier, pour adorer leur Seigneur, la moitié de la nuit. Nous, est-ce qu'on peut donner une heure? Est-ce qu'on peut se lever pendant que les autres dorment? Est-ce qu'on peut se lever et donner une heure de notre temps la nuit pour Allah tabaraka wa ta'ala? Pour avancer dans notre religion. Alors que nous sommes jeunes. Mais qu'est-ce qui a fait cela? C'est qu'on a préféré la couette. La couette, c'est difficile. Il y a de la neige. Ah, il fait froid. Laisse-moi sous la couette, c'est plus chaud. Et donc on a préféré ce qu'on a cité tout à l'heure. On a favorisé les bienfaits de ce bas monde. Les bienfaits de ce bas monde. Pourquoi? Parce que la récompense, certains, ils ne voient pas la récompense tout de suite. On a besoin d'agir quand on voit les billets. Quand tu vois, tu as signé le contrat avec ton patron, il t'a dit, tu fais ça, à la fin du mois, je te donne tant. Tu as ton contrat qui est là, c'est la preuve. Elle est là. À la fin du mois, tu vois le billet, alhamdoulilah, tu continues. Taïb, yarhamoukallah. Est-ce que tu penses que tu ne vas pas voir les bienfaits de ce temps que tu vas consacrer à ta religion, de ce temps que tu vas consacrer à Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que tu penses que tu ne vas pas voir les bienfaits ici-bas? Souvent, on pense que les récompenses ne sont que dans l'au-delà. Non, il y a les récompenses ici-bas aussi. Il y a les récompenses ici-bas. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il te préserve. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il prolonge ta vie. On l'a déjà vu. Pour ceux qui vont pratiquer birrul walidayn et autres. Et donc les actes de bienfaisance, les actes d'obéissance que tu vas faire ici-bas vont avoir un impact bénéfique pour toi ici-bas et dans l'au-delà. Et donc, ne laisse pas partir ces heures. Combien de temps on a laissé partir comme ça? Là, j'ai juste cité un exemple. Je n'ai cité que le fait de dormir. Mais il y a aussi un deuxième élément qui est dans notre vie, qu'on doit absolument changer. Celui-là. Parfois, subhanallah, je me demande, est-ce qu'on doit mettre en garde contre les téléphones? Tellement le temps il passe, tellement on perd du temps dans ces téléphones. Calcule, fais le calcul. Un jour, tu te poses et tu fais le calcul concernant le nombre de temps que tu passes sur cet appareil. Et tu verras pourquoi on n'arrive pas. Pourquoi on n'arrive pas à apprendre l'arabe? Pourquoi on n'arrive pas à apprendre le Coran? Pourquoi on n'arrive pas à apprendre les hadiths? Pourquoi est-ce que lorsqu'on nous dit mémoriser Sahih al-Bukhari, on voit ça comme une montagne? Ben ouais, sauf que lorsque tu calcules tout le temps que tu as passé dans ton téléphone, la montagne, elle était là. Elle était entre tes mains, dans ta poche. Elle était là, la montagne, sauf que tu ne la voyais pas. Et les pertes de temps avec les frères. Allez, on se rencontre pour se rencontrer, pour discuter de voitures, de motos et de polygamie. Si ça, ça, ça, mashallah, tout le monde est au rendez-vous. Tout le monde est au rendez-vous. Tu dis, ya ikhwa, on fait révision. Ya ikhwa, Méditez bien, les frères. Hein. Méditez bien. Une fois, je l'ai dit dans cette mosquée. C'est très, très, très difficile de trouver des frères qui ont une bonne récitation du Coran avec une maîtrise de la sortie des lettres de la langue arabe. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui maîtrisent réellement les lettres de la langue arabe, qui les sortent comme elles doivent être sorties, qui mémorisent le tajwid et autres. Combien de fois j'ai dit, yeah, les frères, vous avez ici Yassine, profitez, yeah, les frères, mekharij al-huruf, oh les frères, tajwid, oh les frères, profitez de ce frère pendant qu'il est là. Il y en a combien qui vont assister au cours de tajwid? Combien qui vont assister au cours de récitation du Coran? Il n'y en a pas beaucoup. Et le jour où Yassine y meurt, on va dire Rahimahullah, Alhamdulillah, on n'a pas profité. Il était là. Il était présent, on le voyait tous les jours. Il était gentil, Jazakallah khair. Mais on n'a pas profité. La ni'ma, elle est là. Le bienfait, il est là. Est-ce que tu profites? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. On a toujours cette excuse, on n'a pas le temps. Mais par contre, pour les sujets mondains, mashallah, on est les premiers. Et donc les frères, il faut absolument qu'on corrige ces erreurs. Et pareil, c'est pas que pour les frères de Villeroux, hein. Nos frères aussi de Florange. Mektab à Florange. On a nos frères Adil, Farid qui donne des cours. Il y en a combien qui assistent? Il y en a combien qui assistent? On n'a pas le temps. Tayyib, combien qui m'ont dit on n'a pas le temps et après ils m'appellent Abdelkarim, je suis dans une aqiqa et si. Mais Akhi, tu m'as dit que tu n'avais pas le temps. Tu m'as dit que tu n'avais pas le temps. Ça c'est arrivé, wallahu alam, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Tu peux très bien venir en cours et après tu parles à aqiqa, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais on a favorisé le tajin. Et donc les frères, faites attention à ce que vous mettez en avant. Faites attention à ce que vous choisissez. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité 2 bienfaits. Juste 2 bienfaits. Mais tous ces points-là et tous ces bienfaits sont liés à un seul point. Le fait de favoriser la dunya. Et le fait de ne pas savoir quel est le commerce profitable. Mais il y a et tijara el murbiha. Et donc je ne vais pas faire long, inshallah ta'ala, bien que il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce hadith, mais j'espère que ce qui a été dit suffira pour qu'on médite tous, chacun concernant notre situation. Chacun concernant notre situation. L'être humain est témoin concernant sa propre personne. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te voir, qu'on te dise ya akhi, etc. Tu sais très bien que toi, À tel et tel moment, tu as été mufarrit, tu as été négligent. Alors on se remet en cause et on profite de ce genre d'assises pour nous améliorer, pour changer et corriger nos erreurs. Tu sais que tu dors 8 heures par jour, diminue un peu, jusqu'à ce que tu arrives à faire comme ses pieux prédécesseurs, Inch'Allah. Souvent on le voit comme une montagne, c'est difficile, c'est normal, on ne fait pas les causes. Petit à petit, Inch'Allah, vous allez voir. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde une science profitable et qu'il nous permette de bénéficier du temps et de la santé qu'il nous accorde. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.